André Bayon, des mots, drame cérébral, chapitre 1. Pour autant qu'on puisse le savoir, cela commença comme ceci. Il tournoyait dans la cuisine, au pluriel. Il comprit. Ardent l'évier. Il fit. Qu'est-ce que tu dis ? Ardent l'évier. Qu'est-ce que tu dis ? Elle répondit. Il ne faut pas jeter le marc dans l'évier. Certes, il ne faut pas jeter le marc dans l'évier. Le marc bouche l'évier. Ce sont des conversations de ménage. Il rit. Tu as raison, il ne faut pas jeter de marc dans l'évier. Il ne faut pas jeter de... Tiens, pourquoi, coup sur coup, répétait-il, il ne faut pas jeter de marc dans l'évier. Il avait un peu mal dans la tête, là, par derrière, sous l'os. C'était un long, très maigre, avec une tête de bon chien triste. Il s'amusait parfois devant une glace. « Tiens, Fox, un susuc !» Il souriait, et dans la glace, avec sa tête de bon chien triste, Fox souriait aussi. D'autres ainsi se découvrent un bouton ou s'arrachent un poil dans le nez. Petite manie quand on est seul avec soi. Pour le reste, son but était des livres. Avec le même but, il y en a qui s'appellent hommes de lettres. On dit de même femme de ménage. Il était plus modeste. Il avouait « Je vis mes histoires ». Le lendemain, il écrivait. Une petite chambre, une table, une chaise, et parce qu'il faisait froid, un poêle dans la fumée. Toujours son mal dans la tête. Sa plume traça. Il ne faut pas jeter de marc dans l'évier. Zut, une bourde. Écrire des bourdes, c'est qu'on est fatigué, et même davantage. Oui, peut-être. Les amis conseillaient. « Mon cher, repose-toi, tu es surmené. »« Surmené, comme surhomme. » Quel grand mot ! Mais non, il ne s'était pas surmené. Comment l'eût-il été ? Depuis des mois, il n'avait plus touché sa plume. Il avait soigné sa germaine. Voyons, se surmène-t-on à soigner sa germaine ? Allons, sa phrase. Il médita, il commença. Il ne faut pas... Ah non, alors, allait-il gâcher son temps à des enfantillages, des mois sans écrire, toujours laborieuse, ses mises en train. Il pensait trop à Germaine. C'est vrai qu'elle avait été malade, et fort. Elle parlait tout le temps. Elle annonçait « Je vais me taire » et recommençait à parler. Un esprit parlait en elle. Elle était son épouse en Dieu, folle, un si beau cerveau, et lui, le cocu d'un esprit. Bah, c'était fini. Plus folle, bien guérie, bien d'aplomb. L'usine, comme il disait, au pluriel, en pleine activité. Elle a son piano et ses notes, lui a sa table et ses phrases. Elle travaillait, il l'entendait. Boum, boum, boum! Quelle poigne! Une poigne pour Beethoven, toujours ce grand Beethoven. Allons, vieux, travaille comme elle! Il aligna des mots, cela fit une phrase, il l'essaya. À la bonne heure, elle marchait bien. Il aimait les phrases venues d'un coup et marchant bien. Une phrase qui, d'un pas égal, pose les pieds où il faut pour arriver où elle doit. Écoutez comme elle marche avec rythme. Il avait écrit cela un jour. La nouvelle phrase se campait, avec son marc dans l'évier, ce qu'il était bête tantôt. En avant, la suivante. Quand même, sa Germaine. Il paraît, c'est toujours ainsi. Pendant qu'elle était malade, comme elle le détestait. Un assassin, elle le croyait un assassin. Il avait tué une femme. Assassin, maudit, va crever à la rue! Comme elle lançait ces mots, il frappait dur, la nuit surtout. Et quand, par pénitence, elle ne voulait pas avaler sa salive. Dès demain, elle retenait sa langue. « Je n'avalerai pas ma salive, je n'avalerai pas ma salive, je n'avalerai pas ma salive !» La langue prise, cela gargouillait. Quel cauchemar ! Ta-ta-ta, oubliez tout cela. Les derniers temps, elle l'appelait « mon petit fieu du bon Dieu ». C'était pénible, mais il aimait bien ce nom. « Allons, petit fieu du bon Dieu, travaille !» Et les amis ? Ah, s'ils les avaient écoutés, ils parlaient sur le seuil sans entrer. Mon cher, comment va-t-elle? Et toi? Sois prudent, on ne vit pas impunément dans une telle atmosphère. » À les entendre, Saint-Germain, on l'eût enfermée. Ah non, n'est-ce pas? Il se devait à Saint-Germain. Son cerveau, à lui, il l'eût sacrifié pour sauver celui de Saint-Germain. D'ailleurs, il avait un cerveau solide, ayant fait déjà d'autres pirouettes et retombant toujours sur ses pattes. La preuve, après des mois, il le tenait entre ses doigts, devant sa table, à fabriquer des phrases. Il écrivit. Marie était... Mon Dieu, écrire Marie quand on pense Germaine, on n'y est pas. Marie était celle du roman en cours, une brave femme, une grosse maman de femme, dans le genre d'une Marie qu'il avait aimée autrefois. Eh oui, on se quitte, l'affection reste. Il voyait encore cette Marie. Mais c'est loin autrefois. Plus volontiers il eût écrit Germaine. Bah, on a commencé, il faut bien qu'on achève. Voilà. Marie était... Du diable! Qu'est-ce qu'elle était, Marie? Ce mot qu'il cherchait, ce sacré mot s'obstinait à fuir. Sans doute à cause des boum-boum de Germaine. Quelle poigne! Toujours ce grand Beethoven. Tout de même, elle avait peut-être tort. C'est beau le piano, mais quand on a eu le cerveau malade, il est bon de le ménager. S'il allait la distraire un instant. Il alla. Eh bien, tu es contente? Il marchait bien ton Beethoven. Comment? Elle ne jouait pas du Beethoven. J'ai cru cependant. Elle dit. Tu t'es trompée. Elle ne jouait même rien du tout. Le piano clos, elle feuilletait un livre. Tu vois, je lisais. Et toi, cela marche? Tu es si rouge. Rouge? Quoi rouge? Qu'est-ce que cela fait que l'on soit rouge? Quand on travaille, on est toujours un peu rouge, il dit. Ne t'inquiète pas, repose-toi. Moi, je retourne à mon roman. Comme c'est bizarre. On entend des notes, elles ne vivent que dans la tête. D'où viennent-elles? Et puis rouge. Il se planta devant sa glace. Bonjour, Fox. Nous sommes rouges, paraît-il. Prends ton susuc. Et maintenant, au travail. Tiens, que s'était-il passé? Sa phrase, sa bonne phrase de tantôt, on la lui avait biffée. Qui? Qui donc lui avait biffé sa phrase? Allons, allons, il n'allait pas s'énerver. Personne ne vous biffe une phrase. Il l'avait biffée lui-même sans y penser. Une distraction. Il n'y avait qu'à la réécrire. Voilà, il prit sa plume, il réfléchit, il écrivit. Il ne faut pas jeter de marre dans l'évier.